lo poso e vai na melaka Maze balo bitenga na kokina yo te na bolingo ngo Maze na kokina yo Na lingise yo Suka se na kobala yo Na kolesa yo Maze balu ki baki misa yo na mote ya mosolo Maze balo ngo yunga mosala na kufa na ngelele Maze bako selinga makambo mpona kota na wele ngo Mazina zalina yo Na kotikate Suka seba koka mwangai Na kobala yo Maze baba kisi yo lokasa ya rouge na elongi ya 5 ans Maze otali bango pamba poma kasi ya bolingo nanga Maze olobela kanga joso bango bako lobaka kontre nga o Soni bateli les yeux Bateli les yeux Suka seba teli les yeux Bateli miso e Libalango, mazena kokina yo, na lingise yo, suka sena kobala yo, na kolesa yo. Mazeba luki baki misa yo na mote ya monsolo, mazeba longo yunga mosala na kufa na nzala. Mazeba kose linga makambo pona kota na welengo, mazena zalina yo, na kotikate. Suka se na kotikate, na kotikate. Maze baba kisi yo lokasa ya rouge na elongi ya 5 ans. Maze otali bango pamba poma kasi ya bolingo nanga. Maze olobela kanga joso bango bako lobaka kontre nga o. Soni bateli les yeux, bateli les yeux. Suka se bateli les yeux, bateli misonga.